Ah, ça c'est un beat de playoffs. Bienvenue Vidange Cast, je sais plus trop combien, 12, 13, quelque chose de même. Enregistré en direct de ma chambre, j'ai ma mère à Unsick. Week 10, c'est fini. On est rendu à une période cruciale là, pour les playoffs. C'est un petit peu un spécial playoff aujourd'hui. J'ai décidé d'arrêter les power rankings. Je trouve plus que c'est relevant vraiment quand il reste 3 semaines à la saison. On sait un peu. Genre, c'était cool quand on savait plus trop. On savait pas trop qui était qui et qu'il y avait beaucoup de changements. Là, je pense qu'on a une bonne idée de l'état des forces. Je pense plus que c'est pertinent. Mais avant d'entrer dans le recap, je voulais juste faire une parenthèse que c'est le trade deadline vendredi. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de discussions, mais de chicanes un petit peu là, dans la convo à cause des trades. Ouais, j'aurais pas dû dire que comme le trade en Monette et Anxel était pas bon. C'est juste que moi, mon objectif, c'est juste que ça soit le plus fair possible, que chacun, qu'il n'y ait pas comme un échange con qui vienne tout fucker l'état des forces, que chacun puisse avoir une chance de gagner ou chacun a son équipe. Je veux juste pas qu'un échange fasse. Mettons, si Xav manque les playoffs, par exemple, ou si n'importe qui manque les playoffs, à cause que quelqu'un dit oh non, moi je veux pas jouer contre lui en série, fait que je vais donner un joueur à son adversaire, c'est comme c'est pas correct ça. Okay, c'est juste ça. Même affaire, là je vais plus veto des échanges, ça va être au vote ceux qui sont un petit peu sketch là. D'ailleurs, j'en ai vu un tantôt, là. Je pense pas que ça va se passer, là, mais ouais, quelque chose tantôt que j'ai vu que ça, non. Ça, j'aurais voté contre, mettons. Mais c'est ça, il y a. Faites. Juste que les échanges aient de l'allure, là. Tu sais, sûr, en fin de semaine, je sais qu'il était pas ultra fair, mais c'était pas terrible non plus, fait que J'ai laissé ça passer, j'ai rien dit. En tout cas, c'est juste ça. Là. C'est une question de gros bon sens. Là. Puis il n'y a pas de complot, il n'y a pas rien. Il n'y a pas de moi qui essaie de faire gagner Xav, qui essaie de faire gagner Vince. De Vince qui essaie de faire gagner Xav. Il n'y a pas de complot. Je veux juste que ça soit fair. C'est sûr que je veux gagner, comme tout le monde. Mais. Je veux juste que ça soit le fun et agréable. Tu sais, je veux pas que, mettons, qu'il y ait des affaires qui arrivent comme mon oncle dit. Tu sais, m'a donné Joe Mixon à Monette ou à Molo parce que fuck Ben. Tu sais, quelque chose de même. J'ai une affaire que mon oncle Fred, puis je vous ai. C'est probablement sa dernière année, là, fait que inquiétez-vous pas. Donc, tu sais, ou. C'est ça, là. Juste que ça soit fair. Donc, anyway, on aurait pu nous obstiner ben après vendredi, hein. Mais c'est juste, il reste encore une couple de jours. J'encourage les échanges, j'encourage l'activité. J'ai toujours été en faveur de ça. Juste pas de manigance puis de collusion, tu sais. Je veux que chacun fasse le. Je veux que dans chaque échange. Après, dans le fond, c'est pas compliqué. Je veux qu'après chaque échange, les deux parties soient convaincues que leur équipe est meilleure qu'avant l'échange. Donc, c'est ça. Donc, si tout le monde croit ça, à part si mon petit cousin, parce que des fois, il n'y a pas totalement la meilleure notion de la valeur des joueurs. Mais à part ça, on est tous, on a tous 20, 21, 22 ans. Fait que, c'est ça. Juste, fiez-vous à votre gros bon sens. J'essaie de. Tu sais, moi, je laisse ça passer, c'est bon, à part peut-être faire un vote, mais c'est ça. Juste pas de chicane à cause de ça, c'est juste des échanges, juste que ça soit fair. That's it. Mais fair, c'était pas comme ça qu'étaient les match-ups en fin de semaine. C'était pas ultra serré. Je vais commencer par le premier. Monsieur, gros match-up, Sex Robot contre les Junkies. Junkies. Encore déçoivent, mettre un 50 points et Sex Robot qui l'emporte 120 à 52. Un blowout total, même pas proche. Rivers 15 points. David Johnson 33. Aaron Jones 30. Keenan Allen 14, Davante Adams 20, Njoku 2, Howard 3. Au bord, un désastre total. Dalton 7, Peterson 8, Michel 3, Landry 3, Beckham 21, ça c'est bon. Mais Howard 2, Dion Lewis 8. Donc, les Junkies qui sont dans l'eau chaude, c'est le cas de le dire. Et non, c'est ça. Je sais pas quoi. C'est triste, là. Ouais. Donc, les Junkies, ok, les Junkies sont encore dedans. Vince est encore dedans. Il est une game et demie en arrière. Je mets la demi parce que c'est lui qui a le moins de points pour. Puis qu'il n'y aura pas le diebreaker. Ok, c'est sûr, c'est sûr. Mais, encore une game et demie en arrière, techniquement, il peut encore les faire. C'est juste qu'il faut qu'il revire ça au plus Christ, ça, parce que... ça... Ouais. Mais Yantil, qui, tout d'un coup, s'insère dans le playoff picture. Cool. Je pense qu'il le mérite. Je pense qu'il a travaillé fort. Puis, en ce moment, il est à la troisième place. Se bat pour pouvoir finir. Je pense même pas qu'il peut finir deuxième. Mais anyway, deuxième, troisième, ça change pas grand chose. Pas comme s'il y avait un home field. Mais Antil qui met la table pour un gros match-up cette semaine, duquel on va parler tantôt. Et ouais. Et j'essaie de gosser avec mon crise de téléphone depuis tantôt. Pour jouer la sérénade pour Monsieur Charrette. Oh, ah. It's time, Vince. C'est pas fini, mais c'est fini. Mais, continue, yeah. Il y a des consolations, les games pour la 5e, 7e, 9e place. Fait que tout le monde peut pouvoir participer, là. Inquiète-toi pas, mais pour le Championship Contention, ça a l'air d'être ça pour les Junkies. Donc, ouais. Autre match-up, hey, le gros contre les Sinners. Sinners, il emporte 114 à 101. Du côté du gros, Fitzpatrick 14, pas très bon. Mixon 9, décevant. Barkley 12, décevant aussi. DeJean Jackson 9, ça va. Brandon Cooks 22, très bon. Shea Burton 8, c'est bon. Matt Breda 26, excellent. Melo Ball, Mahomes 20, c'est bon. McCoy 24, excellent. Gordon 25, toujours bon. Antonio Brown 18, c'est bon. Cooper Kupp 6, out pour l'année. Donc oui, décevant. George Kittle 13, stud tight end. Calé, je n'aurais pas dû l'échanger. Et Marvin Jones 7 points moyens. Donc Sinners, emportent leur 5e victoire en ligne. Donc ils s'insèrent dans le playoff picture eux autres aussi. Donc des gros changements après week 10. Donc Simon Antil et Xav qui s'insèrent dans la 3e place puis qui espèrent faire les séries, maintenir le cap. Ils ont des bonnes chances. Xav faut qu'ils se battent. Xav a un schedule très dur là, jusqu'à la fin. Donc lui c'est peut-être un petit peu sans doute. Antil, j'étais un petit peu plus confiant qu'il devrait les faire. Mais on va voir, mais il y a du changement. Là. C'est pas comme si c'était décidé depuis week 5 qu'il allait faire les playoffs. Et pour Dédé, il tombe à 3-7 dans la division la plus tough. Fait que vous savez ce que ça veut dire. Dédé, c'est poche que ta dernière année finisse de même. Mais, gars, tout le monde t'a dit ton draft était con, là. T'as fait aucun move. T'as ce que tu mérites. T'es 3-7. Tu feras pas les playoffs. Et je pense que c'est la fin pour toi dans la Ligue des Vidanges. Donc merci quand même. Mais, ouais. Au revoir, hey, le gros. Ce fut un honneur. Je pense que ça va faire trop de bruit, ça. Non, c'est pas si pire. Ok. Je sais pas si. En tout cas, j'y vais avec mon téléphone à côté du mic, là. Fait que je sais même pas si vous m'entendez pendant que je fais ça. Autre match-up. Les D-Bags, moi, qui l'emporte 130 à 98 contre Los Pogos. Toujours plaisant de battre Jay. C'est un rival, même si c'est pas dans la division. J'ai perdu le championship 2 années en ligne contre lui, tu sais. Puis il m'a battu quand même assez souvent les dernières années. Fait que le battre, même si c'est pas une game ultra significative, ça fait toujours du bien. Donc, de mon côté, Trubisky 36, quel stud. Todd Gurley 24, toujours fiable. Zeke 34. Je savais que je l'avais gardé comme keeper pour une raison. Josh Gordon 10, Juju 18, c'est bon. Jimmy Graham 2, chier. Et Valdez-Scantling 7, ça va. D'abord, Cam 14, décevant. Mark Ingram 23, welcome back. James White 5, un désastre. Robert Woods 12, ça va. Tyrell Williams 6, c'est décevant. Greg Olsen 6, décevant aussi. Et Tyreek qui a eu son explosion qui arrive à peu près à chaque 3 semaines. Il y a eu ses deux touchdowns, donc 29 points. Mais là, c'est pas gros qui se retrouve sérieusement hors de contention pour le bail, je dirais. Et c'est ça. Et moi qui tombe à 7-3, toujours une game d'avance sur mon cousin, je reste en première place. Donc, Marlowe, pas nécessairement garanti de faire les séries encore. Devrait les faire. Mérite de les faire. Mais. Tout peut arriver. J'ai pas encore calculé tous les scénarios possibles. Peut-être que j'ai de la sauce, mais je me suis pas encore acharné ces scénarios parce qu'il reste quand même 3 semaines. Là. Fait que je pense pas que t'sais, une équipe qui est dans la course en ce moment peut être mathématiquement éliminée déjà. Là, mais je sais pas, on sait pas. Anyway, c'est pas mon problème. C'est sûr que ça concerne les faire votre calcul. Là, si vous, comment ça, de quoi ça va avoir l'air. Autre blowout, Flying Pelicans n'emporte 128 à 55 sur Paris le Potato, qui, après une coupe d'échange douteuse durant la semaine passée, en mange une tabarnak. Tom Brady 11, pas bon. Kareem Hunt 10, décevant. Marlon Mack 7, décevant. Désolé, je pensais gagner meilleur que ça. Alshon Jeffrey 7, pas bon. Tyler Boyd 8, décevant. Jordan Reed 7, pas bon. Et Kenyan Drake 5, un désastre. Notre bord, Carson Wentz 21, ça va. McCaffrey 34, incroyable. Nick Chubb 34 aussi, wow. T.Y. Hilton 9, Mike Evans 6, wesh. Jared Cook 7 et Ryan Fitzpatrick. Qu'est-ce que je dis là? Julian Edelman 15, ça c'est bon. Donc, mon cousin qui continue à me suivre dans le cul, dans ma division, c'est le fun. Il reste pas capable de creuser l'écart avec lui. Donc le bail est loin d'être garanti pour le moment. Tandis que l'autre bord, défaite qui fait mal pour Emilien et les Potatoes. Qui tombe à 3-7. À égalité avec Anctil, mais Anctil a beaucoup plus de points pour. Devrait garder cet avantage jusqu'à la fin de l'année. Donc Emilien, si veut faire les séries, devra finir avec une meilleure fiche que Simon Anctil. Parce que sinon, ça n'arrivera pas. Et dernier match-up, Arjan Vodenik qui l'emporte 119-104 sur Mofose. Arjan Vodenik qui en gagne 7 en ligne avec Roethlisberger 36 monstrueux. James Conner 14, ça va. Kamara 24, très bon. Julio 20, un autre touchdown. Funchess 5, Kelce 7, Johnson 12. Les trois derniers, pas super bons, mais. Quand ton QB fait 36 points, d'habitude, t'es quitte pour au moins 110, 120, si c'est pas 130. Donc, Aaron Rodgers, 18, moyen. Coleman, 8, moyen. Eckler, 2, un désastre. Golden Tate, 3, un désastre. Golden Tate est plus relevant à Fantasy pour le moment, là. Michael Thomas, 23, excellent. Quel stud. Zach Ertz, 34. Pour un tight end! Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un tight end faire 33 points et demi. C'est. Je me rappelle pas. C'est la quatrième année que je fais ça, puis je me rappelle pas voir un Titan. Même Gronk, je me rappelle pas un Titan avoir vu faire autant de points. C'est absolument ridicule. Tyler Lockett, 17, un autre touchdown. Très fiable, monsieur Lockett. Donc, Romain qui tombe à 6-4, égalité avec Xav, mais Xav a quelques points pour de plus. C'est loin d'être joué dans ce cas-là. Monette qui prend les contrôles de la division. Et une ferme grip sur le bail en ce moment, tombe à 8-2. Et c'est ça, c'est ça pour la semaine 10. On dirait combien de temps, là? 14, ok. Ouais, fait que ça, je regarde le classement. Moi, dans ma division Big Pussy, je vais changer les noms l'an prochain, je le répète. J'ai dit que je peux plus y changer, là, ça a l'air. Je savais pas. Donc moi 7-3, moi derrière mon cousin 6-4, et après ça il y a quand même un gros gap de 3 games où est-ce qu'on voit Anctil à 3-7, Emilien à 3-7 et Vince à 2-8. Anctil qui a un avantage significatif dans les points pour, qui en a même plus que mon cousin, il y en a même plus que les Pelicans qui ont 3 victoires de plus. Donc juste pour vous donner une idée, Et moi, j'en ai une centaine de plus qu'Antide. Dans l'autre division, Monette avec argent et technique qui a 1162 points pour, monstrueux, qui est premier à 8-2. Deuxième, Los Pogos à 6-4. Troisième, les Sinners à 6-4 et 4 Mofo à 6-4. Entre le quatrième, la deuxième, les positions 2, 3 et 4 dans cette division-là ont la même fiche et le nombre de points pour entre Marlowe et la différence est de 24 entre Marlowe et Romain pour les points pour. Donc c'est très très serré. Il y en a un des trois qui va chialer à la fin de la saison parce qu'il n'aura pas fait les playoffs. Puis un gars comme Antti va les avoir fait. C'est comme ça. On peut peut-être changer la formule de l'an prochain. Ça a été discuté. Peut-être aller avec une formule de. Les deux premiers de chaque division le font. Puis les deux places restantes, ça serait wildcard. Donc les meilleurs records. C'est pas. Je confirme rien. Rien de décidé. C'est juste que c'est une discussion possible parce que des cas de même, c'est peut-être un petit peu chiant pour, mettons, si Marlowe, Xavier, Romain manque les séries. Un des trois va les manquer, tu sais. Et ouais, cinquième place est le gros qui est maintenant trois games en arrière avec le moins de points pour de loin. Donc ça semble être la fin. Pour la fin de la route pour Aile Gros. Il y a un trade aujourd'hui, Hopkins et Duke Johnson contre Beckham et Kerryon Johnson. Trade que je trouve très fair. Monette qui prend un petit downgrade à receiver, mais qui se trouve un flex relativement fiable. Et Vince qui trouve un stud wide receiver et un potentiel keeper pour l'année prochaine. Donc, ouais, ce genre de trade-là, j'ai aucun zéro fuck-all problème avec. Très, très juste. Les deux sont gagnants. J'ai vraiment. C'est ça. Si vous voulez parler d'un des trades, un trade parfait, c'est à peu près ça. Il n'y a aucune controverse, rien. C'est très fair. Si c'était pas Monette qui l'avait fait, Monette aurait chialé sur 10 trades. Mais vu que Monette l'a fait, on n'a pas eu de chialage. Tout est parfait. C'est merveilleux. Donc, ouais, c'est ça. À cette heure, on va être plus axé sur les playoffs. Je vais jeter un coup d'œil pour le fun pour les playoffs de la NFL. J'ai hâte au Fantasy Championship, au Fantasy Playoffs et tout, mais j'ai aussi très très hâte de signer le Fantasy par la fenêtre, de m'en coller ici si tel joueur fait tant de verges et de pouvoir juste m'asseoir mon cul sur mon divan et regarder les meilleures équipes jouer une contre l'autre au mois de janvier. Donc, oui. Je regarde dans la AFC. T'sais, on disait au début de l'année que la NFC était stacked et la AFC suçait. C'est peut-être rendu l'inverse. Je pense que les Chiefs vont finir avec le first seed. Puis, à moins d'une blessure, ils devraient s'en aller au Super Bowl. Je pense qu'ils vont battre les Rams lundi. J'ai de l'argent là-dessus. Je vais peut-être mal paraître d'ici là, mais je pense que les Chiefs vont gagner lundi. Je pense qu'ils vont avoir le first seed. Je pense que les playoffs vont aller à travers Arrowhead. Et je pense que personne ne va aller à Arrowhead puis gagner. Les seuls que je vois peut-être le faire, c'est les Steelers ou les Pats, mais je leur donne pas grand chance. Donc le second seed, même si l'on pense en ce moment, je pense que les Pats vont l'avoir. Parce que je pense qu'ils vont battre les Steelers week 15, je pense, si je vous compte. Et je pense qu'ils vont gagner pour avoir au moins une game. Je pense qu'ils vont avoir le bye. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les. Que j'ai vu les Pats pas avoir le bye. Ça fait. C'est. Les voir jouer dans la Walker Round, ce serait très très bizarre. Puis je pense qu'ils ont besoin de home field, les Pats. Je pense pas qu'ils peuvent se permettre. Je pense pas qu'ils ont le talent d'aller à Pittsburgh, à Kansas City, puis arracher une win en playoff. Je pense juste pas qu'ils ont le talent ou. Je pense plus que Tom est capable de traîner jusqu'à là. Donc, Pat, ce serait bien urgent qu'il y ait le second seed au moins dans la AFC. Parce que aller à Heinz Field pour le Divisional. Je pense que les Steelers gagneraient cette fois-là. Même, c'est les Pats auraient des chances, des très bonnes chances, mais c'est juste que ça va être difficile. Surtout pas aller à Arrowhead non plus. Ça serait, les Pats à Arrowhead, je pense qu'ils se feraient manger. Ils ont battu les Chiefs à Foxborough, c'est beau. Mais à Arrowhead, non. Non, pas cette année. À moins que Mahomes se blesse, quelque chose de même. Je vois le Pittsburgh avec le third seed, donc hoster un wildcard game. Je vois les Texans gagner leur division parce que, pas parce que je les trouve excellents et bien meilleurs que les Titans, mais parce que leur schedule c'est vraiment cupcake jusqu'à la fin de l'année. C'est OK, à Redskins contre Tennessee, contre Cleveland, contre Indianapolis, à Jets, à Eagles, et versus les Jags. Une joke. Ok, moi je suis un fan des Saints, puis j'aimerais savoir ce schedule là, mettons. Mais ouais, je pense que les Texans vont avoir le 4th seed. Et je pense qu'ils vont affronter le 5th seed, qui je pense que c'est rare qu'à Week 10 on dit un wildcard est là, spot est locked up par une équipe, mais je pense que les Chargers, c'est pas mal garanti qu'ils vont avoir le 5th seed. Ils dépasseront probablement pas les Chiefs, mais ils vont finir une ou deux games en arrière à deux. Ils sont 7-2. Et ouais, je pense que c'est garanti qu'ils ont le 5th wildcard spot. Puis ils devraient pogner le gagnant de la AFC South que je prédis va être Houston. Donc, le match Chargers à Texans et si j'ai un match que je pouvais garantir, le match le plus probable à date pour les séries qu'on peut prévoir Week 10, c'est celui-là. Chargers à Texans devrait être un bon match. J'aurais tendance à pick les Chargers juste pour l'expérience. Mais à Houston, quoi, le spread serait à peu près quoi dans ce game-là? Mettons 5? Chargers moins 5? Ça serait ma prédiction. Chargers moins 5, le spread. Et ouais, j'aimerais savoir les Chargers gagner puis aller pour une game de division à Arrowhead pour le Divisional. Ça serait vraiment cool. Philip Rivers in merit, man. Et pour ce qui est... Okay, ça, c'est le seed qui est le plus up for grabs. Le 6 seed dans la AFC, pour le moment, c'est les Bengals. J'y crois pas. Enlève ça là. Il y a les Titans. Il y a les Ravens. Et moi, une équipe vraiment sneaky, là, les Colts. J'aurais pas surpris de voir les Colts avoir le 6 seed. Leur schedule, ça va comme suit. Titans, Dolphins, Jags, Texans, Cowboys, Giants, Titans. Donc, dans le fond, c'est pas compliqué. Là. Les Colts et les Titans, ils se pognent deux fois d'ici la fin de l'année. Je pense que c'est ça qui va décider le wildcard team. Je pense que les Titans sont meilleurs. Donc, je veux dire que les Titans vont avoir ce 6 seed-là. Vont s'en aller à Heinz Field pour probablement se faire éclater. Mais, oui, je pense que les Titans vont s'en aller à Heinz Field rendu en janvier pour le wildcard round. Donc, c'est ça. Pour la AFC, j'ai Chiefs first seed, Pats second seed. Le 3rd seed aux Steelers, le 4th seed aux Texans, le 5th seed aux Chargers qui irait à Texans et le 6th seed aux Titans qui irait à Steelers. Steelers, je prédis une victoire des Chargers et des Steelers. Chargers irait donc à Arrowhead puis Steelers se rendrait à Foxborough. Ce serait vraiment un cool divisional round. J'ai rien d'autre à dire. J'ai hâte au playoff. Et je regarde l'autre bord, la NFC. Là, tout le monde va dire que je suis biaisé. Ok, les Saints, c'est la meilleure équipe dans la NFL en ce moment. J'ai attendu longtemps avant de le dire, mais là, toutes les power rankings, ils ont un numéro 1. Fait que, yeah, ils sont numéro 1, ok. Ça fait longtemps que j'attends ça, là. J'ai enduré 3 années de 7-9. L'année passée, c'était le fun, mais ils étaient pas aussi dominants. Là, ils le sont. Et c'est vraiment, vraiment cool. Et j'espère de tout cœur qu'ils vont l'emporter au complet. Ça reste à voir. Genre, mon jersey de Drew Brees. J'ai pas une bonne expérience dans les playoffs l'an passé, surtout la manière que ça finit. Donc, je me dis que ça peut pas être pire cette année. On va voir. Mais pour le first seed, je pense que les Saints vont l'avoir parce que les Rams récemment, leur défense est pas très très bonne. Les Saints ont un schedule très, encore une fois, très difficile jusqu'à la fin. Là. Eagles, Falcons, Cowboys, Bucks, Panthers, Steelers, Panthers. Okay, pas très difficile, mais pas facile du tout, là, on va se dire. Je pense qu'ils n'échappent une contre les Panthers. Mais je pense que les Rams échappent contre Kansas City lundi. Et donc, je pense que les deux finissent 14-2. Et comme les Saints ont le tiebreaker, je pense que les Saints sont le first seed. Ça ne surprendra pas que les Rams aillent, mais je pense que les Saints vont avoir le first seed et les Rams le second seed. Comme je dis, les Rams jouent à une défaite contre les Chiefs, mais à part ça, peut-être à Chicago. Parce qu'à Lyon, ils vont gagner. Contre les Eagles, ils vont gagner. À Arizona, puis contre les Niners. Ouais, les deux dernières games des Rams, c'est Cardinals-Niners. Ça, c'est poche en esti. C'est long facile. Mais ouais, je pense qu'il est peut-être à Soldier Field. Il pourrait peut-être l'échapper, celle-là aussi. Mais je pense qu'ils vont l'échapper contre Kansas City et que les Saints vont avoir le first seed. Donc, c'est ça. First seed, Saints, second seed Rams. Là, le reste, ouais. C'est un peu un gros fat clusterfuck. Ok. Donc, le third seed va être le gagnant de la NFC North. L'affaire, c'est que je sais pas ça être qui est gagnant de la NFC North. Si tu mettais un gun à ma tête, je te dirais Vikings. Fait que je veux dire, Vikings vont gagner la NFC North. Mais si les Bears gagnent dimanche soir, ils sont en très bonne position. Là. Mais mettons, Vikings gagnent la NFC North. Ok. Et je vais regarder le schedule des deux. Vikings à Bears, Packers, Patriots, Seahawks, Dolphins, Lions, Bears. Ouais, ok. Ils ont trois grosses games hein, qui s'en viennent eux autres. Ok, je sais pas. On va checker les Bears d'abord. Vikings, Lions, Giants, Rams, ouf, Packers, Niners, ouais. Ok, c'est aussi difficile, donc je vais dire Vikings. Donc Vikings avec le third seed. Fourth seed, ça va être le gagnant de la NFC East. Puis cette division-là est poche. Les Redskins ont seulement deux games d'avance, mais je le souhaite pour Vince, mais je ne pense pas qu'ils vont faire les séries. Mais encore une fois, qui m'a regardé les schedules. Eagles, Saints, Giants, Redskins, Cowboys, Rams, Texans, Arrets. Ouais, okay, ça sera pas facile. On va regarder les Boys. À Falcons. Oui, exact. Je sais que t'attends le podcast, c'est beau, là. C'est parce que là, j'ai le fait tard. À Falcons versus Redskins, à Saints, Eagles, Colts, Bucks, Giants. On va regarder les skins. Texans, Cowboys, Eagles, Giants, Jags, Titans, Eagles. Ok, il y a les Redskins qui ont deux games d'avance et de loin à schedule le plus facile. Donc je sais les skins par défaut, fourth seed, font les playoffs, peut-être à une fiche de genre 9-7 ou 10-6. Et pas très excitant, mais Gavin va être content, puis ça va faire plaisir de regarder une Redskins playoff game avec lui. Donc Redskins pour le 4th seed. Pour le 5th seed, je crois que ça va être les Panthers. À Lyon, Seahawks, Buccaneers, Browns. Ils finissent avec Saints, Falcons, Saints. Ça, c'est pas facile. Mais avant ça, c'est Lyon, Seahawks, Bucks, Browns. Très winnable. Ils peuvent aller 4-0 pendant ce stretch-là. Puis les Panthers sont pas très bons, ok? Ils sont overrated. J'ai toujours trouvé overrated. Ils ont été exposés jeudi dernier. Mais ils sont capables de gagner. Ils ont une bonne défense. Ils sont capables de run the ball. Ils peuvent gagner. Puis j'ai trouvé overrated. Ils vont se faire éclater en playoff. Ben, ils vont pas se faire éclater, mais c'est juste que ils sont pas super bons, là, gars. Ils ont du talent, mais ce sera jamais une équipe dominante. Donc, mais j'ai voué à finir avec la schedule qu'ils ont, peut-être 10-6, 11-5, 10-6. Ça devrait être assez pour le 5th seed. Ouais, c'est ça. Donc, ils iraient à Washington pour les playoffs. Je pense que... Okay, ils ont perdu à FedEx cette année, mais je pense qu'ils gagneraient cette game-là. Donc, ouais, je pense que tu aurais Panthers à Redskins. Et de l'autre bord, pas choix de dire les Bears, man. Falcons are done. Ils ont perdu contre les Browns, man, c'est fini. Seahawks 4-5, ça fait mal. Cowboys, Eagles. Écoute, il y a les Packers. Qui c'est que le reste, les Packers? Seahawks, Vikings, Cards, Falcons, Bears, Jets. Les Packers pourraient très facilement les faire, ok? Yeah, you know what? On va dire que les Packers rentrent à la place des Bears, ok? Je le fais-tu? Ouais, fuck it, je le fais. Ok, Packers vont jouer à Minnesota dans le wildcard round. On dirait Packers à Vikings et Panthers à Redskins. Une de ces deux games est très bonne, l'autre ne l'est pas. Je vous laisse deviner lequel que je parle. Je pense que les Packers l'emportent. Je pense que les deux équipes visiteurs l'emporteraient dans ce cas-là. Donc, Packers et Panthers l'emporteraient. Et parce que Aaron Rodgers, il date dès que les Vikings. C'est juste ce qu'il fait. Donc, les Packers iraient à New Orleans. Et les Panthers iraient à Rams. Je pense que dans ce cas-là, les deux équipes locales l'emporteraient. Donc, tu aurais un rematch au Superdome de la game de v'là deux semaines. Et là, je peux pas prédire qui va gagner, mais ça s'aligne pour Saints Rams NFC Championship pour le moment. Là. Ça pourrait très bien changer, mais j'ai jamais vu les Saints. Ça fait plusieurs années que je regarde les Saints, j'ai jamais vu aussi dominant. Et oui, Donc, je pense que ça s'aligne pour Saints-Rams. Mais ouais, j'ai comme je dis, first seed Saints, second seed Rams, third seed les Vikings, fourth seed les Redskins, fifth seed les Panthers et sixth seed les Packers et Vikings qui se font briser le cœur. Mais leurs fans sont habitués, ils devraient s'en mettre là. Anyway, on le Miracle l'année passée, fait qu'ils ne viendront pas brailler. Vikings manquerait les séries selon. Non. Non, fuck, si je dis non, non, non, les Vikings gagneraient, les Bears ne feraient pas les séries. Et, ben, les gars, ils vont avoir leur chance les prochaines années, je suis pas trop inquiet. Et donc, t'aurais Packers à Vikings et Panthers à Redskins pour le Divisional dans la NFC. Et dans la AFC, t'aurais Chargers à Texans et Titans à Steelers. Donc, c'est ça, j'aime ça parler des playoffs de la NFL. J'en ai parlé un gros 10 minutes, je pense. Donc, sans plus tarder, les match-ups de la semaine prochaine dans la Ligue des Vidanges. Des match-ups très importants. Je commence avec un qui est un petit peu moins important, mais qui le reste quand même. Argent Vedenik contre Los Pogos. Argent Vedenik qui veut confirmer son bail, tandis que Los Pogos qui veut peut-être avoir une chance pour le bail, mais surtout se garantir une place en série, là. Ok. Ben Roethlisberger contre Matt Ryan. Je veux dire que c'est égal parce que Big Ben pogné Jags, c'est pas un bon match-up. Connor et Kamara contre Ingram et Fournette. Je veux dire que c'est à peu près égal. Donc peut-être avantage monnette, là, mais les Eagles et les Jags, c'est pas un bon match-up pour les running backs. Ils ont tous pas des bons match-ups dans le fond. Fait que le talent va du côté de Monette, mais Marlowe avec Fournette, j'aime ça. J'ai hâte de voir ce que Fournette va faire dans les prochaines semaines. Pourrait changer la donne, surtout pour notre league. Là. Peut-être pas dans la vraie vie, là, parce que les Jags sont pas mal done. Mais en tout cas. Julio Jones, Odell Beckham contre Sanders et Robert Woods, ça c'est pas mal évident. Même si je pense que ça me surprendrait pas qu'ils finissent avec le même total de points, mais. Beckham et Julio sont beaucoup plus safe. Kelce contre Olsen, j'aime mieux Kelce, surtout contre les Rams dans un shootout. Et Kerryon Johnson contre Tyreek Hill, j'aime mieux Tyreek Hill dans le shootout. Monette devrait l'emporter confortablement. Il est prédit de gagner par 23, ce qui est très très bon et un gros chiffre. Donc, oui. La victoire devrait aller à Monette et devrait solidifier le bail. Ok, je vais l'appeler ça le respirateur artificiel ball, en voulant dire que. En tout cas, c'est mon nom qu'on devine, ça. Deux équipes qu'on voit un petit peu comme étant éliminées, mais qui ne sont techniquement pas, je pense. Fait que c'est ça. Donc, l'équipe qui va emporter. Donc, un des deux va gagner, yeah, c'est sûr. Et le vainqueur devrait peut-être avoir un petit peu plus de motivation pour la Week 11. Peut-être repousser l'inévitable, comme on dit. Mon nom n'a pas encore fait son line-up. Obviously. Ok. Je pense qu'il va mettre Drew Brees cette fois. Donc, Drew Brees contre Andrew Luck, je c'est à peu près égal parce que Luck est très constant. Joe Mixon et Saquon contre Deion Lewis et il va mettre. Chris. Adrian Peterson. J'aime mieux sur mon oncle. Après ça, ça va être Brandon Cooks et DeSean Jackson contre. DeAndre Hopkins et probablement Calvin Ridley. J'aime mieux DeAndre Hopkins, Calvin Ridley, mais c'est très serré. Trey Burton, O.J. Howard, on va dire que c'est égal. Et mon oncle va sûrement flexer Sammy Watkins contre soit Doug Martin ou Derrick Henry. Sammy Watkins devrait jouer et j'aime mieux son. Dans un shootout, j'aime mieux Sammy Watkins. Donc mon oncle devrait gagner dans ce qui devrait être un. Très low scoring affair là. Et ouais, je pense pas qu'on va gagner, mais Vince a ses chances. Puis c'est Vince qui a le plus à gagner là-dedans, honnêtement, parce qu'il est 1.5 game en arrière des playoffs. C'est pas encore fini là. Donc c'est ça. Laval D-Bags, moi, contre mon cousin et ses Flying Pelicans. Dans le fond, si je gagne, je solidifie ma première place et mon bail. Si mon cousin l'emporte, on tombe avec une même fiche, mais moi j'aurai un avantage au niveau des points, donc ça sera pas joué là, pour le bail. Trubisky contre Deshaun Watson, je veux dire que c'est égal parce que Trubisky joue très bien. Gurley Elliott contre McCaffrey Cohen, avantage moins. Thielen et Juju contre Hilton et Evans, avantage moins, mais son duo est très bon aussi. Jimmy Graham contre Jared Cook, les deux sont poches. Et Larry Fitzgerald contre Alex Collins, je veux dire que. Peut-être avantage à Collins, mais je prédis de gagner 103,88, ce qui est pas pire, là. 15 points. Je pense que je me vois l'emporter. Ça, c'est mon cousin Nick Chubb en bail et Julian Edelman. Donc, ça devrait être une victoire pour moi. Je m'attends à confirmer mon bail en fin de semaine. Autre match-up. Là, on tombe dans les deux match-ups les plus importants. Les paris. Paris et le Potato contre Sophisticated Sex Robots. Ça semble être le match-up qui devrait déterminer celui qui. Ça donne un avantage. Le gagnant aura un sérieux avantage pour le dernier player spot restant dans ma division. Donc, si Anctil, dans le fond, si Anctil l'emporte, pas mal garanti qu'il va faire les playoffs. Si mon cousin l'emporte, ça donne une chance de faire les playoffs. Laisse Anctil en arrière pour le moment. Mais Anctil a le plus de points pour. Donc, comme je dis, s'il gagne, c'est pas mal fait pour lui. Russell Wilson contre Philip Rivers, je veux dire, c'est à peu près égal. Kareem Hunt, Marlon Mack contre David Johnson, Aaron Jones, je veux dire, c'est à peu près égal aussi parce que Kareem Hunt, il va faire du dommage Monday night. C'est ça. Mais David Johnson contre les Raiders devrait avoir un bon match. Alshon Jeffrey, Tyler Boyd contre Keenan Allen, Davante Adams, c'est pas très proche. Jordan Reed contre Evan Engram, les deux sont poches. Et Kenny Golladay contre Jordan Howard, je veux dire que c'est à peu près égal, peut-être léger avantage pour M. Golladay parce que le secondary des Panthers est de la grosse vidange. Je pense que ça devrait être relativement serré, mais Anctil devrait l'emporter. Devrait être assez clair. Là. Ça va être serré au début, mais le scénario le plus drôle, ça serait comme Monday Night, un comeback dramatique des Bignens à cause de Kareem Hunt, là, ce qui est sur la table. Là. Tout dépend de l'écart, mais je veux dire, c'est rendu à lundi, Anxil va vouloir le plus de points d'avance qu'il veut parce que 20-25 points, ça risque de peut-être même pas être suffisant là, pour. S'il reste juste Karim, même s'il reste juste Karim Hunt à mon cousin. Fait que. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Gros match. Le gagnant devrait avoir une bonne option sur le dernier playoff spot disponible dans ma division. Parlant de bataille pour un playoff spot, Mofos contre The Sinners. Les deux ont la même fiche, 6-4. Les deux ont à peu près le même nombre de points pour. Donc, c'est très important. C'est pour prendre une game d'avance sur l'autre dans la course aux séries. Après ça, il va juste rester 2 semaines. Pour Xav, j'aime pas de Mahomes contre Aaron Rodgers. Écoute, c'est deux bons starts, mais Mahomes contre les Rams, je m'attends à une shit tonne de points. Là. Le over-under pour ce game-là est monstrueux, by the way. C'est ce que j'ai dit depuis tantôt, là, mais je sais pas si c'est quoi, mais ça doit être dans les 60. Puis un over-under dans les 60, c'est absurdement. En tout cas, c'est très haut. Là. Melvin Gordon, Dalvin Cook contre Chris Carson, Lindsay, j'aime mieux les running backs de Monsieur Brunette. Antonio Brown, Marvin Jones contre Lockett et Thomas, je veux dire que c'est à peu près égal. J'aime un petit peu mieux Brown et Jones, mais non, les Eagles ont pas de. Ont plus de corner. Fait que Thomas devrait feast dimanche après-midi. Tyden, le gars, je ne vais pas prononcer son nom. C'est le gars des Broncos contre Zach Ertz et je crois pas que ça va être très très serré. Et Lamar Miller contre Demaryius Thomas, j'aime probablement mieux Lamar Miller. Je pense que Xav va l'emporter, mais ce match-up-là, c'est le match-up qui devrait être le plus serré de la gang. Ouais. Genre, je pense que je vais blowout mon cousin. Je pense que Dédé Vince, il y en a un qui va blowout l'autre, mais je peux pas dire lequel, mais ça m'étonnerait que ce soit serré. Je pense que Monette va blowout Mollo, je pense qu'en titre, va gagner confortablement contre mon cousin. Mais ce match-up-là, je peux pas dire avec certitude que Xav va gagner. Je pense qu'il va gagner, mais je peux pas être certain de rien. Ouais, ça fait déjà 40 minutes que je parle, moi, là. Fait que, ouais, ça va être assez pour aujourd'hui. Bonne chance à ceux qui se battent pour un playoff spot. Vous allez en avoir besoin. Bonne chance à tous dans un match-up en fin de semaine. N'oubliez pas le trade deadline vendredi. Après ça, il n'y en a plus. C'est comme ça. On veut pas trop affecter l'état des forces après cette semaine. Donc, t'sais. Fait que c'est ça. Trade deadline vendredi. Donc, je souhaite à tout le monde des trades qui ont de l'allure. Et fait que je vous reparle sûrement mardi prochain. Et mardi prochain devrait être très spicy parce qu'on va avoir une bonne idée. De qui va se qualifier. On pourra parler playoff encore plus sérieusement qu'on le fait là, t'sais. Puis on pourra surveiller la course pour les 2 dernières semaines. La course aux séries des dernières semaines va être très très excitante, j'ai vraiment hâte. Donc, c'est ça, je vous parle la semaine prochaine. Ciao!